m'oblige. Pour qu'elle soit forte et pure. Pour ne plus voir dans nos quartiers de drogués et d'immigrés. Rêve européen, rêve européen, rêve européen, rêve européen. Il faut tout détruire pour tout reconstruire. Pour nos enfants, loin de tout, c'est mécréant. Rêve européen, rêve européen, rêve européen, rêve européen. Sous le signe de la